se sont tant et tant aimés, de leur amour chavirait la vie. Par un doux soir de juillet, éclairé par une seule bougie, elle ferme ses yeux doucement, volet bleu de cils amoureux. Elle s'abandonne à lui lentement tant qu'elle ne voit plus que l'azur du ciel licoreux. Se répand la fleur de jasmin dans son thé brûlant, le temps que son regard s'arrête sur son amant. Elle voudrait arrêter le temps. Elle voudrait arrêter le temps. Elle porte tout l'amour fou en elle, toutes les peurs, les envies, elle enfante ses premiers pas de l'amour, ambulant ses petits pieds noirs sur blanc. Les guerres et les peines de toutes celles qui aiment la vie, où sont-elles? Je saurai les reconnaître le temps que ces lignes flottent rouge, bleu, blanc. L'azur du ciel licoreux se répand, la fleur de jasmin dans son thé brûlant, le temps que son regard s'arrête sur son amant. Elle voudrait arrêter le temps, elle voudrait arrêter le temps, elle voudrait arrêter le temps.